doctrine, délaissé pas de la cristalline. On l'a échoué sur toi comme un jean, c'est plus grave que tu l'imagines. Gargo est sur un toit béni, rate plus pas trop jour et nuit. Si tu sais pas qui je suis, ton écran plat vient de chez moi, mon ennemi. Tout est écrit mais j'aime pas lire, tes faux ta peau c'est pas du cuir. Plein de gens que j'aime mais j'aime pas le dire, plein de gens que je gêne veulent me détruire. Qu'il en soit ainsi, j'ai toujours laissé le diable me séduire. Dans le bureau agonie, notre nat chargé, grosse cérémonie. C'est dur frérot la pandémie, avance-moi un kill et demi. Note de porte de Châtillon, mon Borghini porte papillon. J'suis trop gagnant, c'est pas le bail ma gueule. J'suis dans mon rapide one, automatique. C'est fantastique, c'est quoi les bails ma gueule. J'suis dans mon rapide one. Les bars sont à la mairie, faisons les hlèches chez Chagoumi. Les dessous des jusqu'au dernier.